Depuis 18 mois que Dantas était ministre des Finances, il semblait s'étourdir par un travail surhumain. Au lendemain, de la scène de violence qui s'était passée dans son cabinet, il avait eu avec le baron d'Anvilliers une entrevue. Et, sur les conseils de son père, Flavie avait consenti à rentrer au domicile conjugal. Mais les époux ne s'adressaient plus la parole, en dehors de la comédie qu'ils devaient jouer devant le monde. Dantas avait décidé qu'il ne quitterait pas son hôtel. Le soir, il amenait ses secrétaires et expédiait chez lui la besogne. Ce fut l'époque de son existence où il fit les plus grandes choses. Une voix lui soufflait des aspirations hautes et fécondes. Sur son passage, un murmure de sympathie et d'admiration s'élevait. Mais lui restait insensible aux éloges. On eût dit qu'il travaillait sans espoir de récompense, avec la pensée d'entasser les œuvres dans le but unique de tenter l'impossible. Chaque fois qu'il montait plus haut, il consultait le visage de Flavie. Est-ce qu'elle était touchée enfin? Est-ce qu'elle lui pardonnait son ancienne infamie pour ne plus voir que le développement de son intelligence? Et il ne surprenait toujours aucune émotion sur le visage muet de cette femme et il se disait, en se remettant au travail, « Allons, je ne suis point assez haut pour elle. Il faut monter encore, monter sans cesse. » Il entendait forcer le bonheur comme il avait forcé la fortune. Toute sa croyance en sa force lui revenait. Il n'en était pas d'autre levier en ce monde, car c'est la volonté de la vie qui a fait l'humanité. Quand le découragement le prenait parfois, il s'enfermait pour que personne ne puisse se douter des faiblesses de sa chair. On ne devinait ses luttes qu'à des yeux plus profonds, cerclés de noix et où brûlait une flamme intense. La jalousie le dévorait maintenant. Ne pas réussir à se faire aimer de Flavie était un supplice, mais une rage l'affolait lorsqu'il songeait qu'elle pouvait se donner à un autre. Pour affirmer sa liberté, elle était capable de s'afficher avec Monsieur des Fondettes. Il affectait donc de ne point s'occuper d'elle, tout en agonisant d'angoisse à ses moindres absences. S'il n'avait pas craint le ridicule, il l'aurait suivi lui-même dans les rues. Ce fut alors qu'il voulut avoir près d'elle une personne dont il achèterait le dévouement.